La révolte, en tout cas, ne pouvait nous fournir ses raisons qu'au terme d'une enquête sur ses attitudes, ses prétentions et ses conquêtes. Dans ses œuvres se trouve peut-être la règle d'action que l'absurde n'a pu nous donner, une indication au moins sur le droit ou le devoir de tuer, l'espoir enfin d'une création. L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. La question est de savoir si ce refus ne peut l'amener qu'à la destruction des autres et de lui-même, si toute révolte doit s'achever en justification du meurtre universel, ou si, au contraire, sans prétention à une impossible innocence, elle peut découvrir le principe d'une culpabilité raisonnable. Thank you. space bar instruct with the right thumb only. The left thumb is held loosely under the left palm. Place your fingers on the home keys and hold the left thumb under the left palm. Hold the right thumb about 1/2 inch above the center of the space bar. Keeping the other fingers on the home keys, strike the space bar with the right thumb each time I say space. Ready? Space. Space. Space. Space. Space. Space. Space. Space. Space. Space. Do it, do it. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Skips. Musicians performing psychedelic music under the influence of a mind-altering chemical. What you're listening to are musicians performing psychedelic music under the influence of a mind-altering chemical. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juste soudain, inacceptable, un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non ? Turn away, oh my deep. kept secrets I'll share with you. No, you can't touch us now. Not now, we're in too deep. Stubborn foolishness, and our lords can have tomorrow. But for today, we're bathing each other down by the stream. No, you can't touch us now. Not now, we're in too deep. Beep! come here, woman. You're a million miles of morning road. Come here, man, and I explode. I'm gonna follow you to your abode. Come here, woman. Come here, woman. Ce nom signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque là, oui, au-delà, non. Vous allez trop loin et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme, en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière. Il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine de, qui demande qu'on y prenne garde. D'une certaine manière, il oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé au-delà de ce qu'il peut admettre. Shit that's in my head, I'm kicking and I'm screaming that I got a disease. Anything to get a fix and hurry up, let's make it quick. I just wanna feel, I just wanna feel, I just wanna feel something real. Maybe it's a problem that I can solve myself. And come on, man, just lend a hand. Tell me what my 5-year plan is. logic, no chance for politics, no chance for idiots, no chance for idiots, no chance for hypocrites, and no more chance. Can't you see all this blood? Can't you see? En même temps que la répulsion à l'égard de l'intrus, il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l'homme à une certaine part, de lui-même. Il fait donc intervenir implicitement un jugement de valeur et si peu gratuit qu'il le maintient au milieu des périls. Jusque-là, il se taisait au moins, abandonné à ce désespoir où une condition, même si on la juge injuste, est acceptée. Se taire, c'est laisser croire qu'on ne juge et ne désire rien, et dans certains cas, c'est ne désirer rien en effet. Le désespoir, comme l'absurde, juge et désire tout en général et rien en particulier. Le silence le traduit bien. Mais à partir du moment où il parle, même en disant non, il désire et juge. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître. Le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur. S'agit-il au moins d'une valeur ? Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full of black and screaming. And one more bird, then one more bird, and one last bird, and another. One last blackbird without a place to land. One last blackbird without a place to be. Turns around in hopes to find the place it last knew rest. Oh, blackbird over black rain burned. This is not where you last knew rest. You fly all night to sleep on stone. The heartless rest that in the morn will be gone. You fly all night to sleep on stone, to return to the tree with too many birds, too many birds, too many birds. Thank you. aussi confusément que ce soit, une prise de conscience naît du mouvement de révolte. La perception, soudain éclatante, qu'il y a dans l'homme quelque chose à quoi l'homme peut s'identifier. Fût-ce pour un temps. Cette identification, jusqu'ici, n'était pas sentie réellement. Toutes les exactions antérieures au mouvement d'insurrection, l'esclave les souffrait. Souvent même, il avait reçu sans réagir des ordres plus révoltants que celui qui déclenche son refus. Il y apportait de la patience, les rejetant peut-être en lui-même, mais puisqu'il se taisait, plus soucieux de son intérêt immédiat que conscient encore de son droit. Avec la perte de la patience, avec l'impatience, commence au contraire un mouvement qui peut s'étendre à tous ceux qui auparavant étaient acceptés. Cet élan est presque toujours rétroactif. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Le mouvement de révolte le porte plus loin qu'il n'était dans le simple refus. Il dépasse même la limite qu'il fixait à son adversaire, demandant maintenant à être traité en égal. Ce qui était d'abord une résistance irréductible de l'homme devient l'homme tout entier qui s'identifie à elle et s'y résume. Cette part de lui-même qu'il voulait faire respecter, il la met alors au-dessus du reste et la proclame préférable à tout, même à la vie. Elle devient pour lui le bien suprême. Installé auparavant dans un compromis, l'esclave se jette d'un coup, puisque c'est ainsi. Dans le tout ou rien. La conscience vient au jour avec la révolte. Call us in. Only Thank you. Juillet 2011. Les passages étroits entre les immeubles serrés du Corio Hotel, parmi la bruyante touffeur des machines à climatisation. Toujours ces filles distraites en robe d'été sous des parapluies transparents. Toujours les pluies de la mousson. Néons à tous les étages, bars, dancing, massages, ration bar et love hotels, le Polaris, le Secret Hotel. La pluie qui ne cesse de battre les façades. That's the thing about trouble. You can learn everyone has the eyes and ears to be where I have been. You can have that heaven here and if not wait for up above. The more I feel myself, the more alone I am. Though you can't hurt me now, I still from me. When will you be? Tout s'est bien passé. Projection, interview, cocktail. Je ne suis presque pas sorti de l'hôtel Corio ni des cinémas où ma rétrospective de poche était montrée avant de sauter à nouveau dans l'avion pour Wrocław, y à Paris, puis Montréal. Aurais-je dû filmer ? Je filme le moins possible. L'image est un cancer. Okay. La référence à des voyages antérieurs, cependant, la Corée en 98, le Chili en 93 puis 94, toujours avec la Russie comme question centrale entre le débarquement sur ces deux rivages opposés du Pacifique, mentionne le son avant même la variation climatique. On ne regarde plus immédiatement quand on entend instantanément. La dépression de 1929 a vu la fin du cinéma muet et la disparition pour plusieurs décennies du cinéma d'art, comme celle de 2011 préfigure celle du cinéma argentique au profit de l'oxymore d'un cinéma numérique. Dreaming of you, baby. Thank you. À 20 ans, j'ai cru naïvement qu'à l'avenir, on écrirait des poèmes et ferait des films au lieu de produire ces gros romans ennuyeux pour plagistes, à présent qu'il n'y a plus de rentiers occupés à peupler de longues et oisives soirées d'hiver. Oh,